Les jeunes filles chez Balzac, par Paul Flatt. Au cours d'Eugénie Grandet, Balzac écrit « Dans la pure et monotone vie des jeunes filles, il vient une heure délicieuse où le soleil leur épanche ses rayons dans l'âme, où la fleur leur exprime des pensées, où les palpitations du cœur communiquent au cerveau leur chaude fécondance et fondent leurs idées en un vague désir. Jour d'innocente mélancolie et de suave joyeuseté, quand les enfants commencent à voir, ils sourient. Quand une jeune fille entrevoit le sentiment dans la nature, elle sourit comme elle souriait enfant. Si la lumière est le premier amour de la vie, l'amour n'est-il pas la lumière du cœur ? » En s'exprimant ainsi, Balzac ne cédait point simplement au plaisir de formuler en phrases délicieuses une observation psychologique. Il présentait en outre ce que nous pourrions appeler l'idée générale qu'il s'est formée de la jeune fille et la conception d'ensemble qui fut le point de départ de ses créations virginales. Si nous les envisageons en effet par le rapide coup d'œil du souvenir, qui écarte les éléments indifférents pour retenir uniquement ceux qui sont essentiels, une chose nous frappe, c'est que Balzac les a toujours peintes en grisaille, leur donnant peu de relief, peu de personnalité, ainsi que l'exige d'ailleurs la réalité des choses. Penser ainsi, c'était se trouver en conformité avec la nature, c'était obéir aux lois de développement physiologique qui régissent l'être féminin et lui imprime le caractère de réceptivité qui lui est propre. À ses yeux, en effet, la femme est créée de toutes pièces par l'amour, et n'existe pour ainsi dire pas avant que ce sentiment ait développé son être, d'où la différence, au cours de ses œuvres, entre l'importance qu'il attache à l'analyse des caractères de femme et celle qu'il attache à l'analyse des caractères de jeune fille. Il suffit, pour s'en convaincre, de rappeler quelques noms, et de se souvenir en même temps du rôle que les personnages ainsi évoqués tiennent dans le milieu où le romancier les a placés. Modeste Mignon, Eugénie Grandet, Césarine Birotteau, Céleste Colville, Ursule Mirouet et tant d'autres, autant de figures douces et discrètes qui, pour employer une expression d'école mais rendant bien l'idée, sont plutôt agies qu'agissantes, subissent les circonstances parmi lesquelles le hasard les a fait naître, et s'inclinent avec résignation devant la force des événements qui refoulent leurs pensées ou compriment leurs désirs. Si l'on essaye de les classer en proportionnant leur relief comme personnage et leur intensité comme type au degré de conscience du sentiment d'amour, on arrive au résultat suivant. Les moins conscientes, celles en qui ce sentiment est à peine indiqué, soit que les instincts religieux prédominent comme chez Céleste Colville, dont la destinée de femme est tout entière subordonnée à la piété, soit que la crainte d'une autorité supérieure irrespectée leur imprime un caractère d'excessive timidité, comme à Césarine Birotteau. Celles-là connaissent l'existence du sentiment, mais osent à peine se l'avouer. Il n'aura pas d'action décisive sur leur vie de femme, et s'ils en souffrent, elles cacheront leur souffrance. Après Céleste Colville et Césarine Birotteau, nous en trouvons chez qui l'amour est plus conscient, sans être encore absorbant. Il régira certains de leurs actes, et en plus d'une circonstance pourra les pousser à des démarches qu'elles s'expliquent à peine et dont la cause est tout en lui. Eugénie Grandet, par exemple, qui, malgré la terreur que lui inspire son père, arrive à tenter des choses dont l'idée ne lui serait jamais venue, si la présence de Charles Grandet n'avait soudainement fait jaillir en son cœur des sources vives de tendresse. Marguerite Laës encore, trouvant dans son amour qui chez elle est déjà de l'instinct maternel, la force de diriger une famille et de résister aux folies ruineuses d'un père maniaque. Notons en passant que l'on sent dans ses démarches plus encore la femme d'ordre, la jeune fille née pour être mère, que la femme amoureuse. C'est ce qui la distingue d'Eugénie Grandet. Elle appartient à la classe des femmes qui seront plutôt mères qu'amantes. Tous ses actes s'expliquent ainsi, et c'est un point de vue essentiel sans lequel on ne saurait la comprendre. Nous arrivons enfin aux dernières, très rares, car je ne vois guère que Véronique Sauvia, la future Madame Gralin, chez lesquelles on sent en la jeune fille le rôle absorbant que l'amour tiendra dans leur vie, instrument de douleur et de torture morale. Nous ne parlons point ici de celles qui, comme la Pichina et la Fosseuse, sont de véritables inconscientes, des malades, des irresponsables dans toute la force du terme, et dont le cas ne saurait infirmer en rien l'exactitude de ce que nous avançons. Cette impersonnalité, cet effacement voulu, ne tient pas exclusivement dans l'idée de Balzac à la nature intime de la jeune fille et au caractère de réceptivité que nous indiquions plus haut. Il est par certains points acquis, et ici se présente la grave question de l'éducation. Elle devait venir à la pensée du maître pour une première raison d'abord, c'est que toutes les questions sociales d'une réelle importance ont hanté son cerveau. Puis ensuite, la place prépondérante qu'il assigne à la femme dans la comédie humaine, l'amour et la tendresse profonde qu'il manifeste pour son développement sentimental, pour son rôle d'initiatrice de l'homme aux nuances du désir, le culte réel qu'il professe pour cette divinité du poète, ce sont là autant de motifs et de motifs puissants pour l'avoir fait s'attacher à ce point d'où dépendra souvent toute sa vie intérieure. Comment la jeune fille a-t-elle été élevée quand elle était jeune fille? Quelle éducation a-t-elle subi? Quelles influences a-t-elle traversées? L'intérêt qu'il y voit est et doit être énorme. Il doit l'être, a priori d'abord, car nous savons que Balzac fut un des plus fervents adeptes de la théorie des milieux. Il en fut un des inventeurs dans le domaine littéraire, l'ayant appliqué le premier peut-être à l'analyse psychologique. Il l'est a posteriori, et il suffit, si nous voulons être convaincus, de nous souvenir de l'analyse du caractère de Véronique Gralin pour comprendre quelle importance à ses yeux pouvait avoir cette éducation sur l'avenir de la femme. Rappelons-nous cette jeune fille, à l'imagination et au cœur vierge, élevée dans la plus extrême retenue, ignorant tout de la vie, d'autant mieux que son existence s'est déroulée dans un coin de province isolée, pur comme un ange auquel Balzac la compare. Voilà que tout à coup un livre tombe entre ses mains. Et quel livre ! Le plus pur, le plus inoffensif pour toute autre nature. Pour elle, il devient la révélation la plus troublante de l'existence. Par et à travers ce livre, le monde s'explique à elle. Elle en comprend les mystères, ou plutôt elle les pressent. Si Balzac avait été un moraliste pur au lieu d'être un romancier, s'il avait écrit des œuvres pour exposer non point ce qui est mais ce qui devrait être, il n'eût pas manqué de nous livrer le fruit de ses méditations sur ce grave sujet, comment procéder à l'éducation des jeunes filles. Comment, chez la Vierge, dont l'esprit sommeille encore, préparer l'éclosion de la femme qui sera demain? Sans doute il n'eût pas posé de règle absolue, car il était trop intimement convaincu de la relativité de toute chose. Il n'eût point conseillé de soumettre à une éducation identique tous les esprits féminins destinés à occuper un même rang dans la société. Il n'ignorait pas qu'en ce monde, on ne doit considérer que des individus, et que la première règle d'une éducation parfaite est d'agir individuellement. Cette vérité psychologique dont il avait fait la cruelle expérience au collège, il eût souhaité qu'on l'appliquât dans l'éducation des jeunes filles. Sans doute aussi, s'il est vrai de dire qu'il n'eût point posé de règle absolue, il aurait recommandé aux éducateurs de ne point appliquer le système en usage de contention spirituelle et d'entière ignorance de la vie. Déjà dans les mémoires de deux jeunes mariés, il insiste sur les inconvénients de cette méthode. À maintes reprises, dans La femme de 30 ans, opposant l'ignorance absolue de la jeune fille à la brutalité ordinaire des premières initiations, il indique les dangers et les irréparables malheurs qui en sont l'habituelle conséquence. Enfin, les premières pages de l'œuvre intitulée « Une fille d'Ève » sont consacrées à la peinture de l'éducation donnée aux jeunes filles de l'aristocratie, et la manière dont il la décrit précise ses préférences et ses antipathies. Voilà sans doute dans sa pensée ce qui contribue le plus à en faire des êtres insignifiants, ayant si peu de relief et présentant en somme un intérêt médiocre pour le psychologue et l'observateur. Examinons l'éducation des jeunes filles qui deviendront plus tard Madame du Tillet et Madame Félix de Vandenesse. Marie-Angélique et Marie-Eugénie atteignirent le sommet de leur mariage, la première à 20 ans, la seconde à 17 ans, sans jamais être sorties de la zone domestique où planait le regard maternel. Jusqu'alors, elles n'étaient allées à aucun spectacle. Les églises de Paris furent leur théâtre. L'ignorance de la vie est poussée chez elles à ses extrêmes limites. Cette ignorance qui sera cause de la révolte, qui du moins y contribuera, lorsque les réalités leur seront soudain dévoilées. Leur instruction ne dépassa pas les limites imposées par des confesseurs élus parmi les ecclésiastiques les moins tolérants et les plus jansénistes. Jamais filles ne furent livrées à des maris ni plus purs, ni plus vierges. Leur mère semblait avoir vu dans ce point, assez essentiel d'ailleurs, l'accomplissement de tous ses devoirs entre le ciel et les hommes. Le résultat, Balzac l'indique, inévitable, d'une part, l'assurance à peu près certaine que leur union sera faite d'autant plus légèrement que la jeune fille ne soupçonne même pas les obligations positives du mariage et qu'elle n'a qu'un désir, se soustraire à l'autorité des parents qui compriment ses sentiments d'indépendance. « Vous n'êtes pas très heureuse, mes chères petites, » leur disait le père, « mais je vous marierai de bonne heure et je serai content en vous voyant quitter la maison. »« Papa, » disait Eugénie, « nous sommes décidés à prendre pour mari le premier homme venu. » Et le père conclut tristement, faisant lui-même la critique de cette éducation. Voilà le fruit amer d'un semblable système. On veut faire des saintes, on obtient des... Il n'acheva pas. D'autre part, la crise fatale, la soudaine révolte qui se produira lors du mariage et de ses révoltantes initiations, Ève ne sortit pas plus innocente des mains de Dieu que ses deux filles ne le furent en sortant du logis maternel pour aller à la mairie et à l'église, avec la simple mais épouvantable recommandation d'obéir en toutes choses à des hommes auprès desquels elle devait dormir ou veiller pendant la nuit. Mais alors, faudra-t-il donc éclairer les jeunes filles sur les réalités de la vie ? Qu'aurait répondu Balzac à cette question ? J'imagine qu'il n'eût point apporté de solution précise et qu'il eût simplement dit en substance « Tout dépend des natures. Il n'y a pas ici, comme en tout ce qui touche à l'éducation, de règles générales applicables à des groupes, car toute méthode doit procéder de considérations individuelles. » Ayant vu ce qui devrait être, examinons maintenant ce qui est. Césarine Birotteau, c'est la jeune fille de la petite bourgeoisie, du milieu commerçant, élevée dans ce milieu rétréci et mesquin. Dans le portrait physique qu'en donne Balzac, se trouveront unis les traits délicats et exquis d'une rare beauté physique et ses défauts de race qui ne peuvent laisser de doute sur son origine. Quant à son portrait moral, il est marqué au coin de la plus parfaite entente des superfluités qui constituent l'éducation des jeunes filles, avec cette caractéristique de la supériorité de l'enfant voulu par les parents sur eux-mêmes. Elle aimait la musique, dessinait au crayon noir la Vierge à la chaise, lisait les œuvres de Madame Cottin et Riccoboni, Bernardin de Saint-Pierre, Fénelon, Racine. Son père et sa mère, comme tous ces parvenus empressés de cultiver l'ingratitude de leurs enfants en les mettant au-dessus d'eux, se plaisaient à déifier Césarine, qui heureusement avait les vertus de la bourgeoisie et n'abusait pas de leur faiblesse. Elle demeure le type accompli de la petite bourgeoise, d'esprit médiocre sans doute, mais capable du plus vif attachement et susceptible d'un amour constant et fidèle. Étudier la naissance de son amour pour Popinot, le jeune homme timide et contrefait, dont elle sent avec cette délicatesse d'âme qui n'est pas refusée aux natures même médiocres, la secrète adoration pour elle. Balzac explique ici ce qui paraît un mystère du cœur féminin, à savoir, par quelles complications psychologiques une jeune fille belle et riche comme Césarine Birotteau peut s'éprendre d'un infirme et d'un boiteux. Ce que certains esprits pourraient attribuer à un sentiment de générosité basé sur la pitié, Balzac l'attribue à une raison d'égoïsme fort compréhensible. Ce lui est une occasion d'expliquer qu'à son sens et de manière générale, la tendresse amoureuse repose tout entière sur l'égoïsme, c'est-à-dire sur une sorte d'instinct secret qui nous pousse spontanément vers ce qui convient à notre nature et développe nos affinités intimes. Telle est une de ses idées les plus chères, une de celles qui le mieux cadre avec son système général du monde et ses théories physiologiques. Cette conception de l'amour, aussi exacte pour ce qui tient de l'élément féminin que pour ce qui concerne l'élément mâle, relève directement de cette unité de plan qui, suivant lui, régit le monde moral comme le monde physique. Quelques moralistes pensent que l'amour est la passion la plus involontaire, la plus désintéressée, la moins calculatrice de toutes. Cette opinion comporte une erreur grossière. Si la plupart des hommes ignorent les raisons qui font aimer, toute sympathie physique ou morale n'en est pas moins basée sur les calculs faits par l'esprit, le sentiment ou la brutalité. L'amour est une passion essentiellement égoïste. L'égoïsme de Césarine consistera donc, et c'est là que Balzac cherchera l'explication de sa tendresse secrète pour Popinot, à distinguer de préférence le jeune homme qui, par son adoration silencieuse, par les disgrâces de sa nature physique, lui paraîtra le plus propre à lui conserver une éternelle fidélité. J'ai bien observé les femmes et sais que si chez la plupart l'amour ne s'empare d'elles qu'après bien des témoignages, des miracles d'affection, si celles-là ne rompent leur silence et ne cèdent que vaincues, il en est d'autres qui, sous l'empire d'une sympathie explicable aujourd'hui par les fluides magnétiques, sont envahies en un instant. Cette phrase d'analyse physiologique, ce jugement porté sur la nature intime de la femme au point de vue amoureux, Balzac la place dans la bouche du docteur Minoret au moment où sa pupille bien-aimée, celle qui est devenue l'enfant de son intelligence et de son cœur, qu'il a élevé avec la tendresse d'un père et la perspicacité d'un esprit, lui avoue, avec la franchise de ses 20 ans, la naissance de l'amour en son âme. Peu de détails aussi touchants dans l'œuvre de Balzac que le récit des premières années d'Ursule Mirouet, l'histoire de cette petite fille élevée par son père adoptif, le vieux docteur Minoret, la douceur et l'affection croissante dont il l'entoure, cette entière communauté de joie et de douleur. Ce sont d'abord les premiers soins que réclame l'enfance, et pour lesquels Minoret a les douceurs d'une mère, les précautions d'une nourrice attentive. Puis, après ces années où l'intelligence sommeille encore, où la conscience est comme assoupie, ce sont les premiers éveils de la sensibilité. L'âme s'ouvre à la vie, et le rôle de l'éducateur commence. Toutes les qualités natives de la petite fille se développent et fleurissent en ce milieu, favorable comme l'est un riche terreau pour une plante rare. Autour d'elle, elle ne sent qu'affection, douceur, sympathie raisonnée, souci d'éducation pour son jeune esprit. Aucun souffle impur, aucune image chagrine ne vient assiéger son cerveau. Elle grandit cependant, et le premier motif de tristesse qui lui vienne est l'impiété du docteur. Minoret, en effet, est un savant de l'école matérialiste et un sceptique en ce qui touche la foi religieuse. Il a pourtant fait élever Ursule chrétiennement, et c'est ce désaccord de croyance qui fait naître les premières inquiétudes de la jeune fille. Ce qui cause la plus vive peine à une femme réellement pieuse, c'est de sentir que ceux qu'elle aime ne partagent pas ses convictions. Ursule n'a que 12 ans, mais son tact développé et affiné par l'éducation lui révèle une secrète divergence entre ses idées et celles du docteur. Elle n'a de cesse qu'elle n'ait appris la vérité et la nature exacte des croyances de Minoret. Pressé de questions par l'innocente créature, il fut impossible au docteur de cacher plus longtemps ce fatal secret. La naïve consternation d'Ursule le fit d'abord sourire, mais en la voyant quelquefois triste, il comprit ce que cette tristesse annonçait d'affection. Les tendresses absolues ont horreur de toute espèce de désaccord, même dans les idées qui leur sont étrangères. N'est-ce pas là l'énoncé d'une vérité souvent cruelle, dont la plupart de ceux qui pensent ont fait la douloureuse expérience à l'âge de l'émancipation intellectuelle? Quel est celui qui, doué d'une vraie personnalité et poursuivant la recherche d'un but spirituel dans la franchise entière de ses convictions, n'a pas connu cette intime et vive souffrance du désaccord religieux avec ceux qui entourèrent son enfance de soins affectueux? Mais il ne suffit pas qu'Ursule la connaisse, cette divergence d'idées, il faut qu'elle y porte remède. Ce que la tendresse d'une femme n'eut sans doute pas obtenu, ce dont l'affection d'une mère ne fut certes point venue à bout, la douce insistance de cette petite fille de 12 ans parvient à l'enlever. Ursule grandit cependant, et voici qu'arrive l'âge de la puberté. Elle a le cœur tendre et son éducation n'a pas peu contribué à développer en elle tout ce qui se trouvait en germe d'affection, d'exquise puissance, d'attachement. Jusqu'alors, elle ne s'est jamais vue auprès d'un homme qui fût en âge de lui inspirer de la tendresse. On conçoit quel pourra être l'effet produit sur elle par l'arrivée du jeune Savinien de Portenduère. C'est un envahissement de l'être par la toute-puissante sympathie. Et comme Ursule est aussi innocente qu'ignorante, l'aveu qu'elle en fait au docteur est symptomatique, au premier chef. Il vaut à ce titre comme document psychologique. On y découvre, dans la naissance subite du sentiment d'amour, le mélange primordial de l'élément physique et moral. Il m'a monté, je ne sais d'où, comme une vapeur par vague au cœur, dans le gosier, à la tête, et si violemment que je me suis assise. Je ne pouvais me tenir debout, je tremblais. Mais j'avais tant envie de le voir que je me suis mis sur la pointe du pied. Il m'a vu alors et m'a, pour plaisanter, envoyé du bout des doigts un baiser. « Et ?» « Et, reprit-elle, Je me suis cachée aussi honteuse qu'heureuse sans m'expliquer pourquoi j'avais honte de ce bonheur. Ce mouvement qui m'éblouissait l'âme en y amenant je ne sais quelle puissance s'est renouvelé toutes les fois qu'en moi-même je revoyais cette jeune figure. Il m'a semblé que je ne devais plus désormais m'occuper que de lui plaire. Son regard est maintenant la plus douce récompense de mes bonnes actions. Peut-il exister aveu plus franc, plus naïf, découvrant mieux par cette naïveté même l'entière ignorance du mal, et nous ramenant mieux à ce qu'était le rapprochement des êtres en des civilisations primitives? Chez la jeune fille, complètement ignorante des réalités de l'amour, non point seulement de sa fin dernière, mais encore des ruses préparatoires dont l'instinct de l'espèce nous environne pour atteindre à son but, tous ces troubles physiologiques qui accompagnent l'éveil du sentiment ne correspondent à aucune idée précise dans le cerveau de la Vierge et peuvent faire l'objet d'un aveu d'autant plus sincère que leur cause est plus entièrement ignorée de celle qui fait cet aveu. Quel père, pourtant, inquiet des premières langueurs d'une fille trop aimée, en soupçonnant la cause et désirant que cette cause soit précisée, quel père obtint jamais confession si franche que celle d'Ursule au vieux docteur? Lui, vraiment digne d'une telle confiance, il découvre à Ursule la nature de son sentiment, lui marque l'antinomie qui existe entre la nature et la société, et tout en lui indiquant que cette antinomie est artificielle, lui enseigne qu'il faut savoir s'y soumettre. Assez semblable à l'amour d'Ursule Mirouet, nous apparaît celui d'Eugénie Grandet, du moins dans son origine, dans son primitif épanouissement. Infiniment plus pitoyable et plus touchant d'ailleurs, puisqu'il se trouve traversé par des crises cruelles et qu'il n'en vient point à son aboutissement normal, la possession de l'être aimé, comme il arrive pour la filleule du docteur Minoret. Au début même, et bien que la naissance de cet amour donne lieu à des manifestations physiologiques à peu près semblables à celles qui troublent Ursule, nous saisissons déjà les différences. Ce qui fait la suprême consolation d'Ursule, au milieu des plus rudes traverses, c'est l'indéfectible tendresse du docteur, qui pour elle est plus encore qu'un père. Nous avons montré l'ardeur de cette affection, son caractère d'intelligente et chaude protection, ce qui est cause en un mot qu'il ne se trouve pas une douleur d'âme, pas un chagrin qui ne soit compris et prévu par l'adorable vieillard. Combien différente et cruellement opposée la destinée d'Eugénie Grandet. Et qu'on n'aille pas dire que son amour, pour plus effacé qu'il apparaisse, ne reste pas aussi touchant. Les manifestations sont peut-être moins soudaines. La physionomie poétique d'Eugénie Grandet est plus discrète que celle d'Ursule. Mais le travail intérieur de la sympathie amoureuse y est tout aussi vif. C'est une âme plus concentrée. Cela ne veut pas dire qu'elle ne souffre pas aussi cruellement. Dans les deux œuvres, Balzac s'est proposé un but à peu près identique, étudier la naissance et le développement de l'amour en des âmes vierges, mais singulièrement tendres, et dans lesquelles il devait apparaître comme une brusque irruption. L'impression produite par l'arrivée de Charles Grandet est peu différente de celle qu'éprouve Ursule à la vue de Savinien. Ce sont deux jeunes gens dans l'éclat de leur première jeunesse. Leur beauté physique, cette beauté qui, comme excitant à la naissance de l'amour, semble justifier pleinement la théorie de Schopenhauer, est l'origine et la cause première du sentiment d'Eugénie, comme elle fut l'origine et la cause du sentiment d'Ursule. C'est bien le fait d'une âme simple et primitive, toute voisine encore de la nature, de se laisser prendre tout d'abord aux apparences physiques. Comment ne pas trouver logique cet envahissement d'un cœur fait pour aimer, sous l'influence de ce qui lui paraît essentiellement digne d'amour, la beauté du visage? Eugénie, à qui le type d'une perfection semblable, soit dans la mise, soit dans la personne, était entièrement inconnu, crut voir en son cousin une créature descendue de quelque région séraphique. Si réellement le sentiment d'amour est l'éternel duperie dont parle le philosophe allemand, grâce à laquelle le monde perpétue ses misères et ses souffrances, les causes les plus infimes, au regard de ceux qui les observent en les analysant froidement, peuvent devenir les plus puissantes et les seules puissantes pour pousser l'être au résultat final que la nature lui assigne. De même que dans la sélection naturelle des animaux, et pour la perpétuer des races, le mâle triomphe des rivaux qui l'entourent par ses avantages physiques et conquiert les bonnes grâces de la femelle par la supériorité qu'il lui confère, de même aussi, dans cette sorte de sélection sociale à la faveur de laquelle s'accomplissent les unions, il est de toute vraisemblance et de toute logique que la jeune fille, docile esclave de l'instinct, aille droit à la beauté physique la mieux faite pour l'attirer. La jeune fille, qui malgré le conseil de ses parents, contrairement à toute convenance, suit son penchant instinctif, offre en sacrifice au génie de l'espèce son bonheur individuel. Elle agit dans le sens de la nature, c'est-à-dire de l'espèce. Ses parents agissaient dans le sens de l'égoïsme, c'est-à-dire de l'individu. Cette théorie de l'amour, qui demeurera sans doute dans l'histoire de la philosophie la plus haute gloire de son inventeur, Balzac l'ignorait en ses grandes lignes. Mais s'il ne la connaissait point comme théorie, il la pressentait. Il en avait une vague intuition. Et cette intuition du poète, qui va souvent plus loin que la vue scientifique du philosophe, elle est manifeste en ces deux créations d'Ursule et d'Eugénie. Elle se complétera d'ailleurs avec le personnage de Véronique Sauvia. Le soin qu'il prend de décrire ce moment physiologique chez la jeune fille, l'insistance avec laquelle il y revient, prouve l'importance qu'il y attache. Chez Eugénie, c'est comme une naissance nouvelle, quelque chose comme une création spontanée. L'être, qui jusqu'alors était inerte et ne connaissait que deux sentiments, la crainte de son père et une respectueuse affection pour sa mère, cet être découvre aux objets qui l'environnent une intime signification. Elle comprend la beauté des choses, et comme nous ne rapportons rien qu'à nous-mêmes, elle s'applique ce sens nouveau de la beauté. La coquetterie, le besoin de parure, le désir d'être aimé surgissent en même temps, et ce lui est une cuisante blessure que cette pensée de ne point plaire. La cristallisation s'est faite, et les fleurs les plus délicates du sentiment vont éclore là où il n'y avait que sécheresse et aridité. L'éveil de son esprit aux beautés naturelles s'opère également, corollaire inévitable des autres sentiments. Et puisque nous parlons de cet éveil que toutes les âmes sensibles ont connu à l'heure où elles se trouvaient transportées par un mouvement d'enthousiasme, soit intellectuel, soit sentimental, n'est-ce pas le lieu de noter combien il justifie l'ingénieuse pensée du philosophe ? Un paysage est un état de l'âme. Il eut le mérite, lui, de formuler d'une façon définitive un mode de sentir qui apparaît commun à toutes les intelligences poétiques. Mais l'idée était en germe dans plus d'une œuvre, et notamment dans celle que nous étudions. L'amour d'Eugénie Grandet ira désormais croissant et s'ennoblissant chaque jour. Elle est de ces femmes qui se donnent et ne se reprennent point. La fidélité de son sentiment ne sera pas le moins beau fleuron de sa couronne poétique. Elle avait aimé Charles d'un amour craintif et presque respectueux, lorsqu'il arrivait auprès d'elle sous l'appareil trompeur mais séduisant, d'une élégance inconnue pour elle. Quand elle saura la vérité, c'est-à-dire sa ruine totale, il lui semblera, comme à Ursule, que les distances se sont rapprochées, et elle s'attachera d'autant plus fidèlement qu'il souffre, il lui semble pitoyable. Son amour ne se calcule pas, c'est le véritable. Il agit tout spontanément, en effet, et le propre de sa nature est de conduire ceux qui en sont touchés à des démarches qu'ils n'eussent même pas osé concevoir avant de le connaître. Elle est assurément belle, d'une rare beauté, la scène où la jeune fille, en portant la bourse qui contient son trésor, monte dans la chambre de Charles et, pour le contraindre à accepter la somme que sa délicatesse lui fait refuser, plie le genou devant lui. Ce mélange de hardiesse, de pudeur et de générosité en fait la plus touchante de l'œuvre. On comprend comment, une fois partie, sa pensée l'accompagnera dans ses voyages. Comment, à son retour, et lorsqu'elle voit que son amour est oublié, le déchirement de son cœur sera total et communiquera à toute sa vie cette immense tristesse qui ne la quittera pas, non plus que le souvenir de son amour. Il est des âmes qui ne savent pas oublier et qui donnent en ce monde, où tout se transforme, un démenti flagrant à l'universelle métamorphose qui régit l'ordre moral et physique. La marque propre du caractère de Véronique Sauvia, la future Madame Gralin, c'est que le sentiment d'amour est né en elle, non point de la connaissance et du rapprochement d'un être semblable, comme chez les autres jeunes filles amoureuses, mais bien d'une idée, et en quelque sorte d'émotions intellectuelles. C'est là l'indice d'une nature plus raffinée, plus complexe. Balzac a voulu nous montrer ici, et tous les événements de sa vie de femme s'expliqueront de la sorte, le rôle prépondérant que peut tenir l'imagination dans le développement sentimental. Cette apparition d'un sentiment sans objet réel, sous la simple influence d'une lecture, ce coup de foudre, explicable par la vivacité d'une imagination qui sera dans l'avenir sa volupté et sa torture, font du personnage de Véronique un type qui mérite d'être examiné dans son premier épanouissement de jeune fille. La femme demeurait du reste inexplicable si l'on ne connaissait la jeune fille. Il convient de rappeler son origine. Elle est née de parents travailleurs, dans un milieu provincial, n'ayant pour illuminer leur existence que l'amour de leur fille. Dès l'enfance, on distingue chez elle la marque d'une vie intérieure très accentuée, une piété profonde, assez voisine du mysticisme. Balzac, dans la description très précise qu'il fait de sa beauté, ne manque pas d'indiquer sa destinée de malheureux amour. Elle avait une taille moyenne, mais ses formes se recommandaient par une souplesse gracieuse, par ces lignes serpentines si heureuses, si péniblement cherchées par les peintres, que la nature trace d'elle-même si finement, et dont le moelleux contour se révèle aux yeux des connaisseurs malgré les linges et l'épaisseur des vêtements. C'est en même temps l'indication d'une beauté intérieure qui grandit avec le développement de sa nature amoureuse. Il était impossible de voir froidement Véronique alors qu'elle revenait de l'hôtel à sa place, après s'être unie à Dieu et qu'elle se montrait à la paroisse dans sa primitive splendeur. Sa beauté eût alors éclipsé celle des plus belles femmes. Quel charme pour un homme épris et jaloux que ce voile de chair qui devait cacher l'épouse à tous les regards, un voile que la main de l'amour lèverait et laisserait retomber sur les voluptés permises. L'ardeur de style et sa passion contenue sont bien l'indice du sentiment que Balzac veut exprimer. La substitution prochaine de l'amour humain à l'amour divin. Les tendresses mystiques de la religion ne sont que le voile trompeur grâce auquel elle dissimule sa nature véritable. Paul Flatt, Essai sur Balzac, Les jeunes filles.